Lors d'un message que j'ai reçu de vous, et dans mes yeux comme des éclairs de nous, à tout raser, à tout brûler, je ne serai m'encombré de larmes et de souvenirs. Alors que le présent s'ouvre si magnifiquement, combien j'aimais à te regarder et compter tes pas s'élançant vers nos destinées, avec sur les lèvres un frisson et le cœur battant. Pavillon, je ne saurais m'encombrer de larmes et de souvenirs, alors que le présent s'ouvre si radieux. Cet amour, je l'emporterai sur le rivage sacré. Oui, cet amour, je l'emporterai sur le rivage sacré.